Le chroniqueur passé moins de 10 fois de l'année. Et elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Michel Larocque qui est là, merci Mimi. Michel Larocque, je vous le dis, hein, c'est l'élégance. C'est l'élégance à l'européenne. Plus je la regarde. C'est l'élégance à l'européenne. Je vous le dis. Ça existe, l'élégance à l'européenne. Maintenant, oui. Je connaissais le chic à la française, non, par exemple. Non, c'est l'élégance à l'européenne. Elle est au-dessus. Parce qu'en fait, il y a plusieurs pays en elle. Il y a des touches de toute l'Europe. Il y a même des touches d'autres pays. Mais pour l'instant, elle attaque l'Europe. Et bientôt, elle sera sur toute l'Asie également. Hein, sachez-le. Voilà, Michel Larocque, vous êtes d'une élégance où je suis sûr que même au réveil, vous êtes élégante. Vous dormez comment, Michel Larocque? Vous voulez quel détail exactement? Vous dormez en quelle tenue? Vous dormez en quelle tenue? Plutôt déshabillée. Plutôt déshabillée. Oui, oui, oui. Ah, elle doit être chic. Toujours les jambes croisées. Non. Et une main sous le menton, comme toute la nuit, bien sûr. Et un œil ouvert. C'est notre spécialiste femme et enfant, bien sûr. Et psychopathie. Gilles Verdez, Gilles Michel Larocque. Oui, c'est une incitation à la romance. Ah, ouais. Oh. Au câlin, à la tendresse. Ouais, c'est beau. À l'ivresse d'un week-end à deux, d'une soirée un peu tropical, arrosé de cocktails et qui se termine au bord de la plage. Bon, lui, apparemment, il veut boire du Tropicana avec vous. Mais à mon avis, il a acheté le nouveau Tropicana, saveur exotique. Il veut absolument le boire avec quelqu'un. L'amortir. C'est ça, il veut l'amortir. Ça lui a coûté une tonne, ces conneries. Mais c'était très joli ce qu'il a. Ouais, c'est vrai. On rit, mais voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est souvent le problème avec Gilles Verdez. On rit, mais voilà. Oui, en même temps, je crois que Michel aussi, bon, dans son nom, quoi, Larocque. Ouais, ça. Je l'imagine bien aussi avec des bottes, partir en moto comme ça. Les côtés aussi, mec, c'est ça que j'aime beaucoup. Quoi. Là, le côté mélange, il y a tout dans son nom, quoi. Michel Larocque. C'est tout le contraire de Valérie Benaïm. Ça, j'étais sûr. Benaïm, même avec son nom, on l'imagine pas partir avec des bottes en moto. On l'imagine partir avec des babouches en chameau. Ça, c'est votre fantasme. C'est pas pareil. Il faut arrêter de fantasmer sur moi. C'est pas possible. C'est qu'il fantasme trop. Ça vous perdra, ce fantasme. Avec des cuissardes de boulettes. Alors Michel, j'ai regardé votre compte Twitter. Hein. Alors je vais vous lire un tweet, vous me dites si c'est du Larocque ou pas. D'accord, autour de la table. Il n'y a pas de limitation de vitesse sur la route qui mène à l'excellence. Larocque ou pas Larocque? Oh non, pas Larocque. Est-ce qu'elle a tweeté ça? Oui, c'est Michel Larocque qui a tweeté ça. Moi je pense que c'est elle parce qu'elle a fait oui de la tête. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle se trahit elle-même. Vous êtes perspicace. Ah bah, l'observateur. Non, mais ouais, vous avez déjà, c'est une citation de David Johnson. Voilà. Ouais, je sais, mais bon, quand même, vous l'avez tous les matins, je mets une citation. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de limitation de vitesse sur la route qui mène à l'excellence. Un extrait de chanson et une citation tous les matins. J'avais dit ça moi quand je jouais au Millborne, je m'en rappelle. Je rêve d'être un jour une big fat mama. Larocque ou pas Larocque? Non. Bah si, elle vient de dire qu'elle postait des paroles. Mais c'est les paroles de quoi ça? Bah France Gall. Ah oui. Elle a pas hoché de la tête. De blues, hein. C'est pas juste une big fat mama. Oui, singing de blues. Excusez-moi, oui, parce que je parle très peu l'anglais, donc je me suis dit, je vais m'arrêter là. L'esprit est comme le parachute, il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Larocque ou pas Larocque? Non. Trop trivial pour elle. Et c'est Larocque. C'est une citation aussi, hein, de Thomas Devard, c'est un des voix. C'est ça, oui. Hein, ça que Michel a posté. Que vous connaissez bien, Thomas. Oui, visiblement, vous le connaissez bien. Je connais pas ce garçon. Tom. Ça m'étonne de vous, vous connaissez tout. Je connais Patrick Devard, mais pas Thomas Devard. Cuitas les bananas, découpez en douce les patatos. C'est Michel Larocque ou pas? Oui, ça, c'est une parole de la chanson, Philippe Risoli. C'est Philippe Risoli. Oui. Elle l'a pas tweeté, mais elle aurait pu, c'est bien sûr Philippe Risoli. Les bananas, découpez en douce. Ça peut marcher. Hein. Ça n'a pas eu le succès escompté, ça. Vraiment, ça le méritait pourtant. Ouais, mais c'est vrai, je vous le dis. Ça n'a pas marché? Ah non, malheureusement, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Même en States. Une nouvelle venue que vous avez pu voir à nos côtés à la télévision. Elle était dans le Grand 8 avec Laurence Ferrari. Hein, elle y est toujours d'ailleurs, c'est vrai. Elle y est toujours, oui. Elle fait les 3-8 à D8 de toute façon. Non, mais, c'est la plus présente de D8 en fait. Hein, parce c'est qu'elle clair. Fait Touche pas à mon poste, elle fait le Grand 8, elle fait Adam Recherchève, elle fait Pomme d'Adam Recherchève aussi. On dirait Cyril Hanouna presque. Mais attendez, franchement, c'est Caroline Iturbide. Bravo. Elle est partout. Mais attention, comme disait mon grand-père, à force d'être partout, on est nulle part. Attention de ne pas être nulle part. Mais oui. Ah ouais. Vous l'accueillez bien, c'est ça, c'est agréable. C'est sympa, ça démarre bien. Ça va, c'est une amie, je peux tout lui dire à Caro. Non, regardez. Mon grand-père disait pareil. Non, c'est vrai. C'est un peu la phrase qui revient tout le temps. Vous avez le même grand-père. En fait, c'est ma cousine. Je vous expliquerai. À préférer, c'est bonjour madame, pourquoi vous ne portez pas votre ceinture? Ben, je viens de me faire refaire les seins et j'ai pas envie de les abîmer. Et c'est logique. Dame, et la dame a dit, vous pouvez toucher, vous allez voir, on sent la différence. Hein. Ah, il est maligne. Mais en même temps, on peut plus conduire sans mettre sa ceinture parce que la voiture, ça sonne pendant des heures. Mais sauf dans ce cas-là. Hein. Si. Les faux seins, c'est vrai qu'il faut pas mettre la ceinture pendant longtemps. Vous avez des. Et comment bah, tu sais? Parce que bon, j'aurais fait plus gros quand même, moi, mais. Ça va, ils sont gros, hein. Non. Ça va. Attendez. Montre, faut qu'on. On se rend pas bien compte. Oui. Non, mais c'est vrai, vous pouvez montrer. Alors, non, mais, c'est non, mais pas attendez, qui Caroline, manque. On va voir tout de suite, parce que moi, je sais que ma main tendue comme ça, ouais. Je sais que je fais un 90 B. Ouais, c'est ça. Donc ça permet de mesurer. Bah, je vais mesurer. Mais 90 B, je pense que c'est la moyenne, c'est un peu la moyenne des Français. Vous faites un 90 B? 90 B. J'avais l'œil. J'ai le compas dans l'œil, hein. C'est pas un compas. Vous avez dans l'œil. Justine Fraioli. Justine Fraioli est avec nous. Bonjour. C'est la jeunesse. Bonjour tout le monde. C'est gentil ça. Justine Fraioli, c'est la jeunesse, bien sûr. Hein. Justine Fraioli, c'est plus de 25 soirées en 20 jours, pour vous dire. Hein, non, mais Justine Fraioli, c'est celle qui sort le plus d'entre nous, bien sûr. C'est la reine des boîtes de nuit, la reine des dance floors. Hein, et elle est avec nous sur Europe 1. Sachez-le, elle peut danser à tout moment, Justine Fraioli. Ça, ou commander un cocktail. Donc voilà, sachez-le, il n'y a pas d'alcool à Europe 1. Voilà, mais je suis plutôt matinale que soirée, oui, hein, maintenant. Oui, quand même, parce que ça se finit très tard, voilà. Les soirées. Voilà, vous le savez. Et Justine Fraioli, qu'est-ce qui vous redonne le moral, vous, comme chanson? Moi, c'est Besoin d'amour de France Gall. Ah ouais. Bah. Ouais. En fait, ils ont. C'est très 80s, hein. Ah ouais. Elle a un petit côté France Gall, hein, d'ailleurs, Justine. France Gall, Justine Fraioli. Oui, côté pétillant, très jolie, blonde, comme ça, évanescente. Besoin d'amour. Et c'est un appel que vous lancez, là, non? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Justine Fraioli, elle a besoin d'amour. Oui, ouais. Je vous l'avais dit. C'est un peu ma chanson du moment. Et bah, voilà, Justine c'est mon Fraioli, état du moment. Si vous avez besoin d'amour, vous savez ce que vous faites. Vous m'envoyez un dossier complet avec chèque barré. Hein, bien sûr. Les trois dernières déclarations d'impôts. Hein, bien entendu. J'espère que ça soit un peu gratuit, tout ça, quand même. Justificatif de domicile. Il y a 1400 chroniqueurs qui font la queue. Fiche d'état civil et on verra ce qu'on peut faire, hein, Justine Fraioli. Non, mais elle est bien cette chanson, non? Non. Allez, très bien. Oh, ça passe.